Santé, maladie et conscience, voilà le sujet qui va être abordé dans le cadre de cet enregistrement audio. Ici David Lévesque au micro, en compagnie de Marc Delassalle. Alors, bonjour Marc. Bonjour David. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. C'est ça, j'ai une grippe en ce moment, là, mais c'est sur sa fin. Excellent, donc c'est sûr que je te souhaite un bon rétablissement. Et c'est sûr que je profite de l'occasion pour parler de la santé et de la maladie. Donc, tu vis une grippe, donc tu es affligé par la maladie. Donc, je décide de rebondir sur le sujet. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant ce soir de faire une étude pour mieux comprendre qu'est-ce qu'est la santé, la maladie et aussi l'impact que ça a sur la conscience. Donc, tout d'abord, je pense que ça peut être intéressant de t'amener à définir qu'est-ce qui est pour toi la santé et la maladie. Ouais, c'est sûr que moi, je parle jamais en fonction de moi-même parce que pour moi, la santé, au niveau de la capacité d'une personne de se mettre en équilibre devant la vie, c'est toujours chevauché par des réalités de vie aussi dans la programmation. Ça fait que, tu sais, si en partant une personne a un gros handicap, sa santé va être amoindrie. Puis, il y a toujours la programmation qui rentre en lien avec la santé d'une personne. Les plans savent déjà que vers ou dans 10 ans, vous allez éprouver de très gros problèmes de santé à tel niveau. Puis en lien avec la maladie que vous avez à avoir, bien, eux autres, ils vont parler de conscience dans ça automatiquement. Tu les vois venir parce que il n'y a rien que l'individu peut vivre sans qu'il ne s'intéresse pas en esprit à ce qu'il vit. C'est pour ça que la lumière a donné probablement un corps physique matériel à l'homme qui, sans lui donner un droit de regard absolu sur les lois de la santé, dans la capacité de, par exemple, de prendre X produits à tel moment donné, supposons, avant même que tu aies une grippe dont tu informes, bon, ben là, tu prends tel produit, tu en prends 3 capsules pendant 2 jours, puis tu évites tout le virus que tu vas avoir. Tu sais bien que moi, que ça fonctionne pas trop comme ça, hein, David? Non, exactement. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je vais explorer le sujet avec toi, c'est de voir derrière la maladie qui représente, que c'est une forme au niveau physique, un désordre, un déséquilibre. Qu'est-ce Pas qui... nécessairement un désordre ou un déséquilibre. Ça, tu parles de la maladie, là? Oui. Non, c'est pas nécessairement ça. C'est une imposition plus qu'un désordre. Il faut vraiment avoir le regard des plans sur une réalité en lien avec ce qu'ils veulent accomplir dans une conscience et non comme un agenda personnel au niveau... si tu prends David Hawkins, l'astrophysicien là, en Angleterre, tu sais, oui. Lui il était affligé très, très jeune, puis il a été amené d'une chaise roulante, puis il vit toute sa vie à l'intérieur de son mental, tu sais, puis je pense qu'il peut se nourrir, puis il déplace les objets avec une paille dans sa bouche ou quoi que ce soit, là. Il ne souffre pas très, très, très grandement de sa condition parce que son mental est capable d'être dans un équilibre parfait au niveau. Lui, en autant qu'il fait des mathématiques puis de la science, il est heureux, tu sais, il est bien dans sa peau. Donc, si on la regarde au niveau du déséquilibre psychique, les forces de la lumière vont emmener dans une conscience n'importe quoi pour le déséquilibrer psychiquement. Je pense que c'est plus par là qu'une personne doit regarder sa réalité de vie. Et quel est le but d'occasionner ces déséquilibres à travers la maladie? Ben, c'est comme l'argent. Si tu n'as pas d'argent, ben, tu es obligé de contenir ta vie en lien avec quand est-ce que tu vas en avoir, puis avec quel travail que tu vas devoir faire. Puis c'est comme si quand tu n'as pas de couple, tu es obligé de contenir aussi. Alors que la maladie, c'est tellement lié au corps mortel, hein, tu sais, ça crée... Moi, j'ai comme l'impression que la maladie ou la santé crée beaucoup plus d'émotions négatives dans un mental que le simple fait de perdre son emploi. Tu sais, la personne qui apprend qu'à un moment donné, elle a un cancer ou quoi que ce soit, va probablement vivre beaucoup plus de confrontations occultes ou d'insécurité que si elle perdait son emploi ou que son couple se prenait fin, mais encore là, tu prends la vulnérabilité d'une personne en lien avec ce que les plans ont décidé qu'elle vivrait. En gros, il y en a qui sont ciblés au préalable que ça va être la capacité de mettre de l'ordre dans leur vie au niveau de la santé qui vont leur permettre d'avoir une vie meilleure en lien avec la maladie. Il y en a d'autres qui ça va être vraiment, vraiment l'argent. Puis ils vont manger presque tout ce qu'ils veulent dans leur vie, puis ils vont s'occuper très peu de leur santé, puis ils vont avoir une meilleure santé que celui qui focus seulement sur la santé. Pourquoi? Parce qu'ils ont une génétique qui est capable de dépasser le caractère de bien des maladies qui accrochent pas les autres en lien avec à cause du mental, de la vibration qu'ils ont dans leur conscience. Tu me suis-tu un peu dans tout Oui, ça? certainement. C'est sûr que d'un point de vue humain, ça peut paraître très juste pour la personne qui, par exemple, va éviter de fumer la cigarette, de prendre l'alcool, qui va éviter de manger de la viande rouge, puis finalement, elle se ramasse avec un cancer, tandis que l'autre, il fait tout ça, puis non seulement il n'y a pas de cancer, mais il meurt plus vieux qu'elle. Ben c'est ça. On prend l'exemple de Winston Churchill qui avait toujours un cigare à la bouche. Puis le bonhomme, je pense qu'il avait plus de 85 ans lorsqu'il est décédé. Puis il avait toute sa tête. Fait que, tu sais, comment on fait pour établir qu'une personne, en gros, elle doit vraiment mettre le focus sur une réalité plus qu'une autre, alors que je pense que c'est un équilibre qu'il doit y avoir entre la santé. Puis l'argent, le travail, puis le couple. Mais la santé demeure importante. Tu peux pas manger n'importe quoi, puis à la longue, ne pas penser, ne pas payer un prix. Exactement, c'est la même chose pour l'absorption des vibrations, puis l'écoute d'enregistrement, parce que l'écoute d'un enregistrement, c'est une forme de nourriture psychique à un certain niveau. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça amène un équilibre mental au niveau des consciences de bien savoir que si tu te nourris comme faut, c'est certain que ton énergie vitale va être plus grande et tu vas être capable beaucoup mieux composer avec les adversités que tu vas y avoir, autant sur le plan psychique, psychologique que matériel. Mais tu sais, de donner tout simplement un avantage plus grand à un élément, je ne crois pas, je pense pas que ce soit une libération du mental de l'homme en lien avec son esprit. C'est plutôt le fait qu'une personne est capable de garder en vue les trois axes en permanence en lien avec, OK, si une personne n'est pas en couple, OK, ben ça engendre quoi le fait qu'elle n'est pas en couple? Est-ce qu'elle mange moins bien? Bon, mais au niveau de la santé, il va falloir qu'elle surveille ça. Si une personne a moins d'argent dans son compte en banque, est-ce qu'elle est plus restreinte dans son budget pour acheter de la nourriture? Donc, elle va probablement trouver une façon plus intelligente de trouver des aliments qui lui permettent de garder une nutrition agréable et aussi, tu sais, qui va permettre une certaine capacité de se ressourcer rapidement. Fait que, tu sais, c'est bien plus un équilibre qu'il faut voir dans tout ce que l'individu vit que de focusser sur une réalité. Oui, exactement. Est-ce que pour toi, l'âme, avant de s'incarner, va déterminer le type de maladie qu'elle va connaître de son vivant là, par rapport aux maladies qui sont fortes, là, comme des cancers ou des crises cardiaques? C'est sûr que la maladie en tant que telle est déjà dans le plan physique du moment que l'âme est programmée à une maladie. Donc, est-ce que la génétique joue beaucoup? Est-ce que l'environnement joue beaucoup? C'est certain que l'environnement joue beaucoup, étant donné que l'environnement est beaucoup plus pollué que jadis. Si tu habites dans une grande ville, ou le métier que tu pratiques, tu sais, c'est certain que le métier de pompier va avoir plus de chances de provoquer des cancers du poumon que d'autres. Donc, il y a beaucoup de segments à regarder dans une vie, et ce n'est pas nécessairement simplement la programmation de l'âme, mais tu vas le savoir assez très, très tôt dans ta vie, si c'est une santé qui est forte ou si c'est une santé qui est fragile. En gros, la personne peut capter ça assez rapidement. Il y en a qui peuvent partir avec des santé très fragiles, puis ils se nourrissent très bien, puis ils augmentent leur corps, ils augmentent les anticorps contre la maladie, puis ils augmentent également leur capacité de se générer plus facilement parce qu'ils ont appris vraiment à se connaître au niveau de où ils perdent de l'énergie. Ça, c'est très important. Quand tu es sur le point d'avoir une grippe ou si tu travailles énormément, puis tu n'es pas capable d'être conscient du niveau de fatigue que tu as au travail, puis que tu ne te reposes pas assez la fin de semaine parce que tu es toujours stimulé pour aller faire des activités, sans tenir compte de la semaine que tu as vécue, ben tu es certainement plus propice à des virus ou simplement à avoir une baisse d'énergie qui peut durer assez longtemps, tu sais. Ouais, donc autrement dit, la personne qui est astralisée par des forces qui l'hyperstimulent pour passer la fin de semaine à faire des activités de sport ou assister à des spectacles, puis s'arrête pas, puis s'arrête pas. Quelqu'un qui vit une forme de chevauchement astral, c'est là que sa santé par une trop grande quantité d'activités peut être menacée. Oui, parce que tu sais, si on regarde les athlètes olympiques, là, ces gens-là vieillissent énormément rapidement par la suite, hein. Et puis tous ceux qui font du sport de haut niveau, là, leur corps physique prend très, très rapidement un ascendant vers la vieillesse parce que il y a une surexploitation, okay, de leur corps d'énergie en lien avec l'exercice. Donc, c'est correct, c'est une programmation d'âme qui les amène à, d'un autre côté, avoir une santé mentale qui va peut-être les garder plus en équilibre que si ils ne performaient pas. Mais d'un autre côté, étant donné qu'on est vers la fin du cycle et qu'on est dans le début de l'ère du Verseau, on entre vraiment dans une compréhension absolue de qu'est-ce que veut dire la vie. C'est certain que les Jeux olympiques, je pense que s'il y a deux autres Jeux olympiques d'hiver, ça me surprendrait beaucoup en raison de ce qui doit se produire sur la planète Terre pour accélérer le processus de conscientisation Ben parce là, que. tu vas un peu loin, Marc, là, parce que je veux dire, là, c'est suivi par des milliards d'individus sur Terre. Tu sais, ça sera pas du jour au lendemain que ça va baisser. Ça sera pas dans les 10 prochaines années que il va y avoir un déclin significatif par rapport à ça, peut-être sur 50 ans ou 100 ans, mais je le vois pas, moi, à court terme. Ouais, ben ça dépend, David, si la société continue qu'elle vit là, avec l'augmentation des tensions militaires au niveau international, puis des tensions psychiques au niveau de la finance, toi, tu penses vraiment que la société va être en équilibre pas encore 10 ans, puis les Jeux olympiques, ça va être vraiment très, très présent à l'esprit dans 10 ans? Ben, ok, ça se peut que ça soit une moins grande préoccupation si par exemple il y a une tension qui se crée avec les États-Unis, la Russie ou la Chine. Par contre, le point, c'est que les gens dans les années 80, 90, avaient peur que pour l'année 2000, ça soit la fin du monde. Ensuite, c'était 2012. Puis finalement, on a tendance à pelleter dans 10 ans du futur ou quelques années dans le futur que la situation va se dégrader. Puis ça se dégrade pas. Tu sais, Ouais, c'est sûr que il y a un point de non-retour à un moment donné, si tu n'aimes pas 10 ans, mais Mais c'est parce 50 ans. qu'on l'entend pas, on ne l'atteint pas. Dans les années 70, on parlait d'une éventuelle crise pétrolière qui allait nous frapper. Les années 80 ont passé, 90, 2000, 2010, puis on se ramasse vers 2020. Finalement, le grand choc, puis l'augmentation des prix du pétrole, puis la pénurie de pétrole, on la connaît pas encore. Ouais. Puis on continue à fonctionner avec des autopétroles, puis la vente de VUS aux États-Unis est pas baissée, là. C'est certain que si tu veux prendre le point de vue de la société, tu vas être capable de défendre ton point de vue. Mais si tu vas du point de vue de la lumière, tu ne pourras pas défendre ce que tu viens de défendre là. Oui, non, je comprends. C'est sûr que avec toi, comme tu le sais, puis je l'ai déjà fait dans d'autres enregistrements, je me permets de faire un petit peu l'avocat du diable pour les gens qui vont nous écouter. Ouais, mais c'est inutile parce que ton esprit est obligé de s'abaisser à ça. Tu sais très bien que la société qu'on a actuellement, présentement, ne pourra pas soutenir son rythme, que ce soit dans 10, 20, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Tu sais très bien que les Jeux Olympiques, ça a une finalité. Oui, je suis d'accord Ben, avec tu toi. sais très bien que la conscience, ça n'a pas de finalité. Donc, si une personne écoute cet enregistrement-là, puis elle est capable de percevoir que elle aime ça les Jeux Olympiques, mais qu'elle va être obligée à un moment donné de faire un deuil de cette réalité-là parce que c'est une illusion pour elle d'écouter les Jeux Olympiques puis de vibrer énormément émotivement à la réalité que c'est incroyable ce qu'ils peuvent accomplir et qu'elle est préparée un jour à connaître le délusionnement, c'est sûr que ça va passer par tout ce qu'il y a en société qu'elle croit réel. Puis, donc, la santé qu'on parle des gouvernements présentement n'est pas très bonne au niveau de l'harmonisation. Vladimir Poutine puis Donald Trump, ils ne s'appellent pas pour discuter de paix puis d'ouverture en lien avec la Syrie. Ils se confrontent l'un l'autre à travers les ambassadeurs. Et la réalité, c'est que il va avoir à un moment donné une brisure très, très grande de la santé psychique mondiale. Et la santé psychique mondiale, elle est celle-ci, c'est qu'on est sur le point de rupture, et ce point de rupture-là est nécessaire pour briser dans l'ego l'illusion que tout va bien. Toi, avec toi, tu essaies de me dire que ce soit dans 10, 15, 20, 30 ans que ça va bien pareil. Ça va pas bien du tout. Ben, c'est-à-dire que d'un point de vue, ça va bien parce qu'on a des nouvelles technologies, on a Internet haute vitesse, des choses qu'on. Ouais, puis les jeunes qui vont en désintoxication par rapport à l'Internet parce qu'ils passent le vie virtuelle est plus rendu plus important que le vie réelle. Est-ce que ça Il faut se questionner sur le travail qu'on fait. Est-ce qu'on veut remettre en question la société ou on veut tout simplement la défendre? Puis on peut faire un petit peu les deux, dans le sens, voir les avantages puis les inconvénients de la technologie, parce que c'est un petit peu comme des couteaux à deux tranchants, les C'est nouvelles ça, c'est technologies. ça. Mais les gens, ils savent très bien que la technologie, OK, elle c'est ces points de rencontre qui permettent une facilité avec la matière. Tu sais, t'as plus besoin d'aller à la banque aujourd'hui pour payer tes factures. Fait que imagine toute la perte de temps que tu peux. Donc, en gros, la santé mentale des gens, OK, est en déséquilibre très grand parce que ils ont beaucoup de difficultés à saisir que ce qu'ils vivent comme réalité, est aussi interrelié à une réalité plus grande que eux. Moi, si tu me demandes de vivre ma vie en lien avec la grippe que j'ai présentement, en lien avec ma vie personnelle, je te dirais, ça fonctionne pas comme ça. C'est toujours en lien avec ta conscience, où elle doit aller pour les plans de la lumière, en lien avec le fait que tu vas être diminué dans ton corps physique, pour t'amener dans une vibration particulière. Qui va te. Puis, dans ça, la lumière essaie de voir c'est quoi le degré de vulnérabilité que l'ego a en lien avec la maladie ou en lien avec sa santé et quelle appartenance il donne à certaines illusions en lien avec sa réalité. Donc, au niveau planétaire, la santé de la Terre est en très mauvais état. La noirceur est beaucoup plus. Prenante. Moi, je dirais que, tu sais, dans l'univers, là, la matière noire, c'est 25% en réel, à peu près. 25% de l'univers, la matière noire. Mais pour permettre un équilibre de la lumière dans tous les cosmos, ça veut dire que 25%, c'est pas tellement. Mais tu donnerais quel pourcentage tu es à la présence de la noirceur sur Terre en lien avec la lumière? Présentement, la noirceur est plus présente, peut-être au-dessus de 80%. Ouais. Donc, il y a peut-être 20% de lumière sur la Terre. Puis, la lumière, c'est certainement pas elle qui est en train d'éduquer le monde par rapport à la maladie, au niveau des hôpitaux qui se remplissent, puis etc. Hein? Exactement, parce que là, c'est les ténèbres qui dominent. Puis ça, c'est un autre aspect qui peut être intéressant à aborder. C'est le fait que les hôpitaux se retrouvent d'être astralisés puis d'entités. Fait que quand la personne va à l'hôpital dans l'espoir d'avoir une guérison, puis est confrontée à des entités astrales qui font des attaques psychiques, puis en plus à traiter sa maladie, donc ça devient encore plus incapacitant. En gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens vont dans les hôpitaux parce qu'ils ont un corps émotif très vibrant. En général, il y en a beaucoup qui consultent sans nécessairement être malades physiquement. C'est beaucoup plus du placebo qui se passe, là. Il y en a beaucoup que c'est ça. Donc, le corps émotif, si on regarde au niveau de la maladie, le corps émotif, combien qu'il y a de personnes qui n'ont pas d'équilibre par rapport à leur vie, mais ça part aussi du fait qu'ils ont pas, sont pas capables de regarder aussi qu'est-ce qui se passe en société d'une manière neutre. Tu sais, quand tu regardes les nouvelles, puis tu es bouleversé par une nouvelle, automatiquement, ça, cette émotion-là génère de l'énergie négative dans ton corps, donc la densité, et est propice à la maladie. Mais si tu es sujet, supposons, à un virus, parce que le virus doit t'attaquer pour tout simplement que toi tu regardes ta capacité de transcender des mémoires, regarder ta vie de plus près parce que tu es totalement mis au ralenti, pour ensuite repartir d'une certaine force neutre. Tu as donc transcendé les réalités de la maladie parce que les réalités de la maladie, c'est de lui donner de l'importance. Donc, ça revient au principe de donner de l'importance à de la forme. Oui, parce que supposons que tu t'es cassé un bras, ben tu t'es cassé un bras probablement pour ralentir tes activités ou pour t'amener à penser certaines. Il y a des mémoires qui remontent toujours en lien avec une réalité. C'est sûr qu'une personne qui se rend à l'hôpital tout le temps au moindre signe de maladie, si on fait une étude rapide des insécurités mentales de son corps psychique, on peut voir qu'à 80%, la personne n'a pas de stabilité. Okay, donc, elle se dirige tout de suite dans le centre hospitalier parce qu'elle espère que le médecin a plus de centricité que elle ou que la personne et qu'il va lui dire oh, je vous prends sous contrôle puis je m'occupe de vous. Fait que là, la personne est contente, hein? Elle donne son autorité parce qu'elle n'a pas. C'est ça, puis ça lui donne une prise en charge sécurisante. C'est ça. Mais c'est vraiment de l'enfantillage pour quelqu'un qui est conscient. Oui, c'est sûr Bon. qu'il y a des enjeux inconscients là-dessus, dans le sens que la personne s'est sentie délaissée quand elle était jeune, puis là, elle a l'attention d'un adulte significatif à son égard, le médecin, mais ça peut compenser un manque de présence parentale. C'est de là que quand je parle de la société, par exemple, si je dis, par exemple, que les Jeux olympiques, c'est un miroir pour faire vibrer les gens au niveau du corps émotif. Il faut le voir dans cette optique-là. Et que la disparition de ces Jeux olympiques-là, que ce soit dans 10 ans ou pas, moi, je conjugue cela avec le fait que aujourd'hui, Vladimir Poutine a fait une grande conférence puis a annoncé que les missiles qu'ils possèdent au niveau du nucléaire, sont capables de déjouer maintenant tous les systèmes d'autodéfense américains. Donc, pourquoi il fait ça? C'est tout simplement parce que il veut encore une guerre de pouvoir qui va lui servir. Et si on remarque comment la Russie a triché aux Jeux olympiques par le passé en ayant utilisé l'EPO. Donc, ça illustre encore à quel point, OK, la santé mentale de la planète Terre, là, est sur le bord du gouffre total. Oui, puis on est sur le bord en ce 1er mars 2018 d'un retour à une escalade entre la Russie et les États-Unis, dans le sens qu'après ces annonces-là que j'ai vues également aujourd'hui au bulletin de nouvelles, là, la représentante des États-Unis a parlé aussi de s'armer, que les États-Unis allaient s'armer. Donc on est sur le bord d'une autre course à l'armement. Oui, donc on a vraiment des jeux d'enfantillage très, très grands qui ne permettront pas, OK, qui ne permettront pas non plus à n'importe quel psyché dans les années à venir à s'équilibrer en lien avec qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Exactement. Quoique, il y a certaines personnes qui voient à travers des Jeux olympiques comme fonction de créer l'harmonie entre les peuples puis de OK, favoriser le dialogue. je t'arrête là parce que je suis d'accord avec toi que le point de vue ésotérique de l'âme ou de toute la surenchère de la belle composition de l'être humain harmonieux et l'espèce humaine est toute pointe toute vers là. Pointe toute vers un rassemblement des peuples. Mais dans une spiritualité à chier dessus ou à vomir. Oui, mais c'est au moins un pas dans le sens de créer Tu vas un... défendre ça, toi, David Lévesque. Continue à défendre ça. Vas-y, défends ça. Tu vas défendre ça, toi. Ben, je veux dire, ça crée une fraternité, puis au moins le monde se parle au lieu de pas se parler puis de pas se voisiner en pays. C'est une fraternité artificielle, David. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas d'esprit là-dedans, puis c'est du haut spirituel. Même s'il y a aucun. OK, ça m'amène là à te poser la question, est-ce que c'est ça la beauté? Ben non, c'est sûr que c'est pas une Bon, mais beauté ben qui est pourquoi tu réelle. la défends? Pourquoi tu défends tout ce qui n'est pas beauté? Parce que c'est une tentative d'en venir à de la beauté par rapport à des êtres en voie d'évolution. Donc, tu aimes encore beaucoup l'être humain, c'est ce que tu vas me dire. Ben, c'est un amour par rapport à sa potentialité à venir. Donc pour moi, ben oui, c'est comme un enfant, tu peux l'aimer comme potentiel adulte. Ouais, OK. Bon, on va tirer, on va faire un trait là-dessus. Puis, c'est quoi la capacité de se rendre conscient dans ça? À travers les Jeux olympiques, il n'y en a pas beaucoup, là. À travers ce que Oui. tu viens de dire, là, la potentialité de l'être humain, puis. C'est quoi la possibilité de faire des individus conscients dans ça? Ben, est-ce que tu veux que je ramène mon intervention par rapport aux Jeux olympiques? Non. OK. Je veux que tu me dises, en gros, qu'est-ce qui fait que la spiritualité peut être défendue, que ce soit par toi ou que par n'importe quel d'autre. Explique-moi ça. La spiritualité, c'est une forme transitoire. Donc, si la personne n'est pas capable d'absorber directement l'esprit à l'état brut, c'est sûr que c'est une forme qui est imparfaite, mais ça peut servir dans certains cas de tremplin. Puis lorsque la personne est prête, ensuite, elle va passer à une conscience plus supramentale. Et pourquoi que ça sert de tremplin? Parce que les gens ne sont pas capables d'absorber la lumière à l'état brut. OK. Mais est-ce qu'il faut la défendre, cette spiritualité-là? La défendre comme absolue, c'est clair que non. Par contre, ça peut avoir une utilité relative pour certaines personnes. C'est ça. Faut voir son utilité relative en lien avec la société d'aujourd'hui. Mais demain, est-ce que l'utilité relative que tu parles, ça va se défendre? Non, au même titre que les religions qui ont eu un rôle dans Et le voilà. passé, puis aujourd'hui on a dépassé ça. Quand il va faire noir, là, il va être minuit moins un quart ou minuit moins cinq sur la planète, là. Penses-tu qu'on va la défendre, la spiritualité, ou on va engranger dans nos consciences des éclairs de lumière pour la repousser, cette noirceur-là, qui provient d'ailleurs de la spiritualité? Non, je comprends que dans les ténèbres, on va être dans une zone de combat, ce qui n'est pas pareil. Bon, Ouais. toi, si tu pars du principe qu'à quelque part, tu veux toujours faire l'avocat du diable ou défendre la veuve et l'orphelin, à quelque part, tu veux pas mettre au pied, OK, du mur de la spiritualité, tout de suite. Non, parce que il y a des gens qui ne seraient pas capables d'absorber cette contestation, puis ce serait comme un coup d'épée dans l'eau. Il y a des gens qui ne peuvent pas absorber le fait que la spiritualité, c'est de la merde, tout comme la vie est de la merde. Exact, tu sais, je dirais pas ça à ma grand-mère de 94 ans que la spiritualité puis l'amour de son beau Dieu qu'elle a pris 3 fois par jour. Puis Oui. c'est ta grand-mère qui va écouter cette entrevue-là? Non. Bon. Fait que tous ceux qui écoutent l'entrevue, puis tu parles pas de qu'est-ce qui est supposé de se dire, ils sont pas importants. Non, je comprends qu'ils doivent être respectés. Parce qu'en gros, les gens qui écoutent une entrevue pour savoir c'est quoi la maladie, et savoir c'est quoi les Jeux Olympiques, et savoir c'est quoi, je pense pas qu'ils l'écoutent pour qu'on défende. Exact. Quoique l'utilité évolutive d'une forme transitoire peut Très être... rarement. Tu vas t'en apercevoir que l'utilité involutive d'une forme vibratoire te permet de conjuguer ton verbe pour pas aller ailleurs. Mais quand tu vas être tanné de cette spiritualité-là qu'il y a en toi, tu vas la faire éclater. Pas pour le bien des gens, mais pour ta propre conscience en développement au niveau de son feu. Parce que la maladie, ça éteint le feu dans l'homme. La maladie mentale, la santé mentale, le but, c'est toujours d'éteindre le feu dans l'homme. Quand qu'une personne met son focus sur la santé, la seule chose qui compte pour elle, c'est la vibration de manger tel. Supposons, on lui sert un. On lui demande, est-ce que vous voulez manger un steak ou vous voulez manger un tofu au lieu du. Puis sa vibration de la personne, elle a eu une journée coup-ci, coup-ça, puis elle serait mieux avec un steak, mais elle met au-devant les bonnes mœurs du tofu en avant de la vibration. Donc ça te donne une idée de comment qu'une personne ne rentre jamais dans le feu de son esprit. Oui, parce que dans le cas de cet exemple-ci, tu montres que la personne privilégie la forme, la Ouais. spiritualité sur la vibration et l'esprit. C'est ça. Puis quand tu défends tout mouvement de conscience en lien avec la spiritualité, tu défends toujours la forme. Sans vouloir pénétrer, par exemple, le culte d'une réalité, par exemple, c'est quoi? OK, si on parle le culte d'une maladie, tu me dirais que ce serait quoi, toi, en gros? C'est pour déstabiliser, entre autres, la psyché de l'individu, puis ça crée une remise en question, puis ça l'amène à réaliser quelque part que c'est pas lui qui contrôle toute de sa vie. Donc, Donc, en oui. gros, tu me dis que la première chose, c'est de déstabiliser la spiritualité que l'ego peut avoir en lien avec la vie. Oui. C'est intéressant. Fait que, tu t'imagines-tu que il va en avoir de la maladie? Oui, maison, donc Bon, ça fait que tu vois que la spiritualité, elle se cache facilement derrière la santé et la maladie. oui, c'est sûr. Puis des fois, les gens, quand ils sont malades, ils vont chercher à prier puis avoir le réconfort du bon Dieu pour les guérir. Ou ils vont aussi donner leur pouvoir à quelqu'un d'autre, hein? Oui, un gourou. Oui, c'est Quelqu'un qui ça. fait des Puis traitements énergétiques. c'est ça, c'est ça. Puis ils sont pas capables de voir que la santé mentale qu'ils ont en lien avec la maladie est plus importante que la maladie elle-même. C'est intéressant, ça. C'est Ben oui. subtil. Ben, c'est subtil, mais c'est pour ça que je te disais tantôt, le jour que tu vas arrêter de défendre la spiritualité, tu vas comprendre que les plus grandes forces de conscience dans l'homme ne se situent pas dans l'homme. Ils se situent où? Ça se situe pas dans l'homme? Non, ça se situe dans son corps mental éthérique. Ça veut dire Ben, dans sa il conscience vibratoire. Oui, c'est ça. OK, C'est oui. pas un que physique. Non, non, ça c'est clair. C'est psychique. beaucoup plus que physique. Oui, Donc, oui. puis alors que nous autres, on traite toutes les maladies d'un point de vue physique. Oui, avec la science médicale moderne, matérialiste, réductionniste, exact. Donc, la santé mentale d'une personne en lien avec sa vie personnelle, c'est sûr qu'elle est obligée de regarder comment elle pense dans sa tête. C'est la première chose. Exactement. Donc, elle est obligée d'étudier ses pensées, puis à ce moment-là, comme c'est pas elle qui pense, elle peut pas éliminer les pensées négatives. Non, c'est ça. Puis, une personne là, qui est capable de regarder sa vie personnelle en lien avec la santé doit dire, OK, quelle valeur que je donne à la nourriture et est-ce qu'il y a un excédent dans ça de valeur parce que j'ai attaché la valeur. Si je mange bien, je vais être en santé. Si je mange bien, à quelque part, ça me donne l'autorité sur les autres qui mangent mal. Parce que, tu sais, il y a des personnes qui pensent que finalement, ben, si elles mangent du tofu, ben, ils sont plus intelligents que les autres, tu sais. Oui, il y a beaucoup de croyances qui peuvent être nourries en lien avec l'alimentation, puis donner une fausse mise en puissance à l'ego. Oui. Donc. Tu sais, il y a plein de gens qui ont besoin encore d'aller fumer, puis les gens les voient comme des arriérés mentaux parce qu'ils ont besoin de fumer, alors qu'eux autres, si ils fument, ça équilibre le mental, ça apaise le mental, puis ils n'ont pas besoin de médicaments. Exact. Donc, c'est sûr que la personne sait mieux qu'elle fume que qu'elle soit sur les antidépresseurs puis qu'ils peuvent avoir des effets secondaires. C'est ça. Donc, tu sais, si on regarde du point de vue de la santé, une personne doit toujours savoir qu'est-ce qui va la ramener le plus rapidement possible à être en équilibre face à son environnement puis sa vie personnelle. En gros, c'est le mot équilibre qu'on recherche. Quand tu as la maladie, quand tu as une maladie ou que tu es affecté par la maladie, puis là, tu sais, j'irai pas là, parler de maladie Alzheimer, puis j'irai pas parler de démence. Parce que les gens qui sont amenés à des réalités comme ça, là, la démence puis de l'Alzheimer, là, ils sont pas faits pour vivre la conscience à un haut niveau. Ils peuvent avoir connu la conscience, ils peuvent l'avoir intégré une partie, mais ils n'ont pas intégré le feu, OK, de se mettre en opposition contre ces réalités-là. Toi, si je te demandais rapidement, t'aimerais ça à la fin de ta vie ne plus savoir quitter sur la Terre dans un corps physique? Non, pas du tout. Tu serais-tu assez en sacrement? Ben, c'est ça me mettrait en colère. Puis, ça, c'est une autre question par rapport au culte de la maladie, à savoir, est-ce que les gens qui vivent de la démence ou de l'Alzheimer, dans le fond, vivent une forme de chevauchement astraux qu'ils sont pas Oui, capables ben de. oui, Oui. ben oui, c'est sûr. C'est une programmation totalement liée avec la noirceur de les chevaucher au niveau de plusieurs entités, parce qu'ils ont. Il y a plein de décisions. Puis ça, là, c'est pas une réalité absolue, parce qu'il y a beaucoup de génétique dans ça aussi. Et c'est pour ça qu'éventuellement, s'il y a du clonage qui se fait au niveau des êtres humains, l'homme va protéger les hommes de la génétique défaillante de certains corps physiques pouvant mener à l'exploitation par la noirceur éventuellement de ces maladies-là génétiques comme l'Alzheimer et la démence. Donc, je veux pas entrer là-dedans parce que c'est très occulte, puis les gens vont s'imaginer n'importe quoi, mais tu saisis en gros qu'est-ce que je veux dire. Oui. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ouvres une porte par rapport au clonage. Donc, Ouais, mais le clonage, c'est déjà été pratiqué avec la brebis d'Arley, puis ça devrait être continué pour les raisons que j'ai explicitées tantôt en lien avec le fait que la génétique du corps humain est encore très, très laborieuse, puis qu'une âme s'incarne dans un corps matériel qui a une génétique propre à amener la noirceur à gagner du terrain sur le corps physique, c'est pas de la liberté, ça, hein? T'es d'accord? C'est un manque absolu de feu dans l'homme pour contrer les lois de l'incarnation qui sont très, très, très difficiles. Donc, si on parle de clonage, éventuellement, il va falloir que l'homme développe un corps physique qui ne permet pas à la noirceur, de transcender par la maladie mentale, comme la dépression facile, en rayon d'une génétique liée avec l'incarnation mémorielle de l'âme dans d'autres vies. Donc, si l'âme bénéficiait d'un corps génétique beaucoup plus élevé en vibration par le clonage, est-ce que ça servirait à l'homme selon toi? Oui, par contre, Bon. je vais aller plus loin parce que moi, dans ma vision des choses, c'est que éventuellement, on n'aura pas besoin de corriger sur le plan génétique par créer des clones ou des êtres qui sont épurés génétiquement de défectuosité de programmation, mais éventuellement, l'homme qui aura intégré le feu de l'esprit pourra reconfigurer lui-même ses cellules, puis il pourra immortaliser le corps physique. Oui, OK, je suis d'accord avec toi qu'éventuellement ça va être ça, mais le passage, là, parce que penses-tu vraiment qu'on va être rapide là, sur au niveau des lois de Oui, l'esprit puis puis de là je te l'énergie? réponds, écoute ben ça, tu n'aimeras pas ça, mais c'est ce qui est mis en tête, c'est que le clonage va être temporaire comme l'intérêt pour les Jeux olympiques. Ah oui, c'est ça. Le clonage va être temporaire, mais il va être nécessaire. Oui, Ce ben que je. comme le passage de l'âge dans la religion, les Jeux olympiques, puis le clonage après, ouais. Tu mélanges deux choses, David, le clonage et les Jeux olympiques. Le clonage, OK, du point de vue de l'esprit, il y a une réalité. Parle-moi de l'évolution, toi, au niveau des Jeux olympiques, au niveau de l'esprit de l'homme. Ça a amené quoi? Ben, ça a amené un dialogue interculturel entre des gens de différents peuples, puis un développement d'une certaine fraternité à un niveau embryonnaire, mais il y a quand même des liens qui se Ça, sont. il y a de la conscience dans ça. J'ai dit embryonnaire, je pèse mes mots, Il y a, Marc. dis-moi, il y a de la conscience dans ça, il y a de l'intelligence dans ça. Ben, que les gens de différents peuples puissent se rassembler au lieu de se faire la guerre comme ça a eu cours pendant des millénaires, ne serait-ce que le temps d'un événement. Pour moi, c'est un pas vers une plus grande capacité de dialoguer puis de respect envers l'autre. C'est qu'est-ce qui a été développé dans ça? C'est-tu la conscience ou c'est la spiritualité de l'homme? Je suis d'accord avec toi, c'est la spiritualité de l'homme, mais Donc, c'est ça le pour point moi, que je veux te c'est faire. ça, mais le point pour moi, c'est une forme transitoire, puis à un moment donné, il faut commencer à quelque part pour que. Arrête avec les formes transitoires. Ce n'est même pas une forme transitoire. C'est quoi la forme transitoire qui va rendre la paix sur la terre et la vraie fraternité que tu parles? C'est quoi? C'est quoi la forme transitoire? Ben, la conscientisation, Et voilà ça, la l'initiation. rencontre de l'homme avec son esprit. Tant que tu vas rester dans l'évolution, dans tout le développement de la conscience humaine au nom de la conscience supramentale, tu vas rester dans ta spiritualité. Tu vas être bloqué par la réalité que tout ce que tu viens de. Le clonage que je t'amène, c'est le point de vue intelligent de l'esprit dans l'homme qui va dire il faut continuer dans ça parce que pour bloquer la noirceur. Je te l'ai présenté comme ça. C'est comme Oui. ça que je te l'ai présenté. Oui. Toi, tu me présentes les Jeux olympiques, puis la spiritualité, la fraternité des Jeux olympiques comme un pont transitoire réel vers la conscience. Mais Mais pour moi, le toi. clonage, ça demeure aussi un mouvement de l'âme, dans le sens qu'on sent, on cherche à corriger l'âme, alors que quelqu'un qui est vraiment en fusion avec l'esprit, il n'a pas besoin d'un corps ajusté, c'est sa volonté qui l'ajuste à mesure son corps avec sa vibration. Donc, quand que les gouvernements là, vont être bien, bien conscients, là, ça va prendre combien d'années? Ça sera pas demain matin, puis ça sera pas dans 10 ans. Ça, oui. Tout ce que tu viens de dire là au niveau de la descente de capacité de l'homme de gérer l'énergie du corps mental, puis de s'assurer que l'incarnation d'une âme se fasse dans un corps d'une haute vibration, là, c'est demain la veille. Non, c'est d'ici 2500 ans. Bon, puis moi, je te parle de 200 ans maximum, 175 ans, 50, 75. Mais pour ce qui est du clonage, j'en doute pas. Après tout, le Alors, clonage. regarde le principe évolutif de ce que je te donne au niveau de la santé mentale de l'homme en lien avec la planète Terre pour créer contre la noirceur un front pour l'empêcher de. C'est qui est derrière la démence puis l'Alzheimer? Les entités astrales. Bon, c'est certainement pas juste le plan de la lumière qui a décidé que, OK, on va laisser toute la vieillesse en perdition dans les derniers jours de sa vie. Hey, tout le système de santé va s'écrouler à cause de ça. Exactement. Puis ça coûte une fortune déjà dans le réseau de la santé. Puis on a de la difficulté à répondre aux besoins avec une population vieillissante des pays occidentaux, pas juste au Québec. Puis le problème, c'est ce n'est pas la démence ou la santé ou l'Alzheimer, le problème de tout ça. Le problème de tout ça, c'est la dignité des hommes qui ne peuvent pas préserver la dignité des autres. Qu'une personne soit atteinte de démence ou pas, c'est la personne qui est en cheminement de conscience ou à l'extérieur d'elle qui est testée dans sa dignité. Puis la société, en tant que gouvernement aussi, est testée dans sa dignité. C'est rien que ça le principe, parce que quand tu regardes la noirceur, elle peut toujours avoir semblé avoir un pas en avant, mais alors que quand l'homme est vraiment dans la conscience vibratoire de parler une réalité, il est toujours deux pas en avant. Et il peut concéder un pas, mais ça lui donne toujours un pas en avant. Mais quand tu te mets dans la position, OK, de la veuve et de l'orphelin, où tu défends toujours la transition ou indirectement la capacité de l'homme à se mettre un peu en conscience, tu vas pas assez loin dans ton feu parce que tu exiges de l'homme qu'il soit conscient alors que c'est toi, le porte-parole de cette conscience-là, qui va les mettre en vibration. Tu comprends-tu ce que je dis? Si moi je fais une conférence, puis à quelque part je m'attends que les gens aient mon feu, je vais attendre longtemps en tabarnak. Puis si toi tu commences à penser que le jour que tu vas faire des conférences, tu vas devoir aider le monde à comprendre ce que tu dis, tu vas avoir un hostie de problème parce que tu ne seras pas dans ton feu. Non, je suis d'accord avec toi que je vais être dans de la spiritualité ou de la psychologie. C'est Par ça. Puis, contre, le point que je veux dire, c'est que les gens n'auront pas la capacité du jour au lendemain d'absorber une vibration supramentale. oui, Pour moi, je crache. David, Oui. David, tu fais toujours l'erreur d'amener ça au point de vue global, au point de vue de la masse. Quand tu as compris que la conscience supramentale, c'est même pas 1%, c'est moins que 1%, c'est 0,000, whatever, de pourcent de personnes sur la Terre qui vont être capables de fonctionner en conscience supramentale, tu es en mesure, à ce moment donné-là, d'établir que la plus grande réalité de ce que tu émets repose dans un feu. Et c'est ce que tu vas dire en lien avec la potentialité de donner à l'homme de la lumière. Si je dis, par exemple, la santé mentale, c'est la plus grande maladie du 21e siècle, tu es capable de saisir ça, hein? Oui. Bon, si je dis, ben, c'est pas si important que ça, la santé mentale, je fais tout simplement parler au niveau de la société. La santé mentale, puis là, je vais dire pourquoi c'est le plus grand problème du 21e siècle, c'est de par là que toutes les villes vont s'autodétruire, si un jour c'est pas adressé correctement. Puis là, tu vas dire, ben là, je prophétise, je m'en fous, tu diras ce que tu veux, va dans les villes, puis va voir qu'est-ce que la santé mentale peut faire comme dégâts dans une ville. Regarde le jeune homme qui est rentré dans une école en Floride la semaine passée. Oui, ben les attentats terroristes, les fusillades dans les écoles aux États-Unis, c'est des événements qui se multiplient à l'époque actuelle, alors que c'était pas le cas avant. Fait que c'est sûr C'est ça. qu'en lien avec ça, il y a des égrégores astraux qui sont en puissance. C'est ça. Donc, les plus gros défis que l'homme fait face, là, c'est sûr, c'est au niveau de la santé, c'est bien plus la santé mentale que la maladie dans le corps physique. Donc, quand on regarde la conscience qui est en lien avec les deux pôles, l'homme doit-il s'intéresser plus à sa santé mentale ou à sa maladie? À sa santé mentale. Oui, puis s'il y a une maladie, il doit s'intéresser encore à sa santé mentale dans la maladie. Tu es d'accord? Oui, il continue toujours à s'intéresser à la santé mentale, puis là, il s'intéresse un peu plus au corps physique. Après ça, ben, c'est intelligent de trouver des solutions pour t'sais, harmoniser son corps physique. Si ton corps est trop acide, ben, il faut que tu deviennes plus alcalin. Donc, tu fais des mouvements en lien avec ça, t'sais. Si, supposons, tu pensais que, je sais pas, l'homéopathie, c'était pas bon pour toi, ben, regarde-le un petit peu plus. Ça peut être un équilibre en lien avec ton médecin qui te donne entre-temps des médicaments très, très forts. Mais tu sais, éventuellement, il faut que tu te désintoxiques des produits chimiques qu'on va te donner parce que tu es un corps biologique, tu sais. Exactement. Et ça m'ouvre la porte à te parler de l'importance des médecines traditionnelles et aussi parallèles qui peuvent être faites en complémentarité. Ils sont toutes bonnes, mais ils ne sont pas toutes la réponse absolue. T'sais, ils sont toutes bonnes, mais il n'y en a aucune qui est une réponse absolue. Si par exemple, une personne m'a dit que ben, le yoga, ça va guérir toutes les maladies. Ben, oui, c'est ça. Faites du yoga. T'sais, si ah, ben, manger cru de Être l'alimentation, crudivore, ouais. ça va tout guérir les maladies. La seule chose qui compte, c'est toujours l'équilibre en ce que toi tu penses, puis ce que l'esprit pense. Ah, peux-tu élaborer un peu plus là-dessus? Ben, si l'esprit dit, faudrait que tu regardes ta spiritualité au niveau de telle réalité, comme moi je t'en ai parlé tantôt de ta spiritualité, David, là. T'sais, si tu ne le regardes pas un jour, ça va te nuire énormément. Mais ta spiritualité est liée en lien avec le fait que tu veux défendre la veuve et l'orphelin. Mais ça, au niveau de ta santé mentale, un jour, tu vas t'apercevoir que ce ne sera pas assez pour aller dans les grandes découvertes de l'esprit au niveau de la maladie. Parce que quand tu n'as pas le feu pour aller plus loin que le mur qu'on te présente, tu ne peux pas faire sauter le mur. Puis, tu sais, si une personne dit, bon, ben, le médecin, c'est pas bon. Non, c'est pas que c'est pas bon, le médecin. Il faut juste que toi, tu as l'autorité de ton feu plus grand que l'autorité du feu du médecin quand lui, il va te dire, prends ces pilules-là. Puis, toi, supposons, ben là, si tu as besoin de cette prescription-là, puis le billet du médecin parce que tu es en arrêt de travail, tu les prends, les pilules, mais tu sais, tu prends tous les conseils du médecin. Tu vas acheter les pilules, mais ça veut pas dire qu'à la maison, tu es obligé de les prendre. Exactement. Donc, autrement dit, c'est à l'individu de faire preuve de jugement. On ne parle pas de jugement, on parle d'intelligence. Jugement, là, c'est encore une vieille forme de spiritualité, de l'ego. Explique-moi ça. Ben, parce que bon, pour moi, c'est des termes synonymes, jugement puis intelligence. Bon, à ton esprit. OK, le jugement, c'est une forme qui est plus lourde que l'intelligence. Bon, c'est plus OK, lourd que l'intelligence. oui, OK. Vas-y, continue. OK, ben, si tu l'entends dans le sens jugement, une réflexion, c'est une forme psychologique, en effet, plutôt que de l'intelligence à l'état brut qui est canalisée instantanément. Donc, l'intelligence, quand tu dis une personne qui regarde si elle doit manger ça ou ça, elle doit faire appel à son jugement ou à de l'intelligence? Ben, de l'intelligence dans le sens de la lecture vibratoire, là. Donc, ton jugement, c'est quoi dans le fond? Ben, c'est de l'intelligence. Mais dans le sens que je l'entendais, Est-ce que je le voulais dire pour de discernement l'intelligence. que tu dis, c'est de Ouais. l'intelligence? Regarde la Ouais. forme vibratoire qui est derrière le mot jugement. Ben, il peut y avoir de la réflexion. Il y en a. Il peut pas en avoir, il y en a. Si tu parles à quelqu'un de réflexion, si tu parles à quelqu'un de jugement, OK, tu vas lui dire, tu as la capacité de décider. OK, dans le sens que ça nourrit l'illusion du libre arbitre. Ben oui. Comment ça se fait que tu vois pas ça? Dès le départ. Ben là, je prétends pas être parfait non plus, là. Ben non, mais pourquoi que tu n'es pas capable d'être dans ton esprit tout le temps? Explique-moi ça. Parce que moi, là, quand je regarde ta conscience, OK, au niveau de la spiritualité, tu es souvent piégé par le fait que tu n'es pas capable de voir la vibration derrière un mot. Comme jugement, c'est un exemple. Si tu aurais utilisé discernement, quelle différence y a-t-il? Discernement. Pour moi, c'est comme des synonymes. OK. Discernement en lien avec l'intelligence, ça veut dire que l'ego peut savoir que l'intelligence est impersonnelle et que lui, en tant qu'ego, n'a pas à personnaliser l'énergie et c'est ce qui lui permet de discerner. Il n'a pas à alourdir la forme pour être dans l'intelligence. Alors que jugement, ça fait appel à une dimension de l'ego dans le libre arbitre pour voir si la réponse en lien avec tel produit de santé est bonne ou pas. Donc, j'amène ça au niveau de des gens qui disent, bon, ben, je t'ai donné un traitement, puis au niveau de l'énergie, je suis allé dans ton corps d'énergie, puis j'ai réglé telle chose, j'ai mis mes mains là, j'ai senti une grosse masse, puis j'ai tout délogé ça. Tu vas-tu les croire? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le jugement. Ils jugent qu'ils ont fait la bonne chose en faisant ça, alors qu'ils ne le savent même pas. S'ils seraient dans le discernement, ils diraient, j'ai senti quelque chose là, mais est-ce que toi, tu as senti quelque chose? Ah oui, moi, j'ai senti qu'il y avait une grosse pression quand tes mains sont là. Fait que là, ils sont dans le discernement, ils sont dans l'intelligence, ils sont avec l'autre au lieu de s'imposer comme maître absolu de l'énergie sur l'autre. Ouais, dans le sens que si la personne va, dans le fond, se donner du crédit en disant « Ah, c'est moi qui t'ai guéri », puis... Ben, c'est-tu pas mal ça, tu penses, toi? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas Oui, voir un... oui... Quand tu vas voir quelqu'un qui te donne un traitement, là, qu'est-ce que tu penses qu'elle va te dire? Elle, là, elle voit tout de suite qu'elle a un pouvoir situé au niveau de l'énergie parce que toi, tu vas l'avoir, mais c'est pas tout le monde, tu vois, comme ça, là, c'est pas tout le monde qui sont orgueilleux, là. Mais en général, tu vas pour un traitement d'acupuncture, tu vas pour un traitement d'équilibre des énergies ou quoi que ce soit. La personne qui est derrière le mouvement, là, y a-t-il un double derrière ou il y a une entité, d'après toi, en général? Ah, c'est sûr que c'est plus des entités astrales, là. Bon, fait que l'entité astrale va dire, bon, mais j'ai délogé telle chose derrière toi, puis elle va se donner du crédit, alors qu'une personne qui est vraiment dans l'éther cosmique de l'intelligence, okay, qui travaille au niveau de l'énergie, va recevoir peut-être l'autre, dire, OK, moi j'ai une bonne con la personne va me dire, moi, j'ai une bonne compréhension de l'énergie, mais en gros, t'sais, je suis vraiment là pour être un équilibre, puis c'est toi vraiment qui vas faire le reste du travail, tu sais. Oui, ben il va plutôt reconnaître le potentiel d'auto-guérison de l'autre personne, là. Ouais, c'est un partage d'échange d'énergie, tu sais. Parce que, comme demain, je vais avoir un ostéopathe. Et je ne peux pas ne pas reconnaître que l'ostéopathe n'est pas capable, elle est capable facilement de libérer mon bassin puis de libérer aussi ma mâchoire en lien avec les mouvements qu'elle va faire. Demande-moi pourquoi, j'en ai rien, j'en ai aucune compréhension, mais je sais que dans l'évaluation de ce que j'ai fait, de toutes les fois que je suis allé voir un ostéopathe, peut-être 3, 4 fois dans ma vie, il y a toujours eu une plus grande liberté de l'espace de mes articulations. Fait que je lui donne pas le pouvoir de savoir que c'est elle qui l'a l'affaire. Je dis que la capacité de l'individu à comprendre des lois d'énergie, elle est réelle. Est-ce qu'elle est toujours à partir des hauts plans spirituels? Est-ce qu'il y a de l'esprit dans les individus? Moi, je dis que même une personne qui n'est pas consciente de l'esprit, si, mettons, toi, tu te présentes à un traitement d'énergie, elle va être obligée d'être sous les ordres de ton esprit, la personne qui te donne le traitement. T'es d'accord? Si elle est capable de le canaliser puis de le percevoir. Non, dans le sens, tu vois, elle ne pourra jamais canaliser que toi, tu es dans l'esprit. Non, mais je veux dire, si la personne est capable de canaliser une action qui est en harmonie avec ton être. OK, mais en gros, là, elle ne pourra jamais savoir que c'est toi qui a le gros bout du bâton. Non, parce Bon, que. mais dans le fond, c'est toujours ça qui se passe. Penses-tu que je vais aller voir un médecin puis je vais lui donner le gros bout du bâton? Il ne saura jamais qu'il aura le gros bout du bâton. Ou l'ostéopathe que je vais voir, elle ne saura pas que j'ai le gros bout du bâton. Mais je sais très bien, moi, c'est quelle entité qui va la gouverner pour faire son traitement. Puis, il y en a qui n'ont pas d'entité nécessairement malveillante. Ça fait que dans ce cas-là, c'est plus facile pour une personne comme d'autres d'aller voir ces personnes-là. Exact, mais souvent, chez les gens qui font de la consultation, dans beaucoup de cas, c'est des entités de haute spiritualité qui sont derrière. C'est ça. Donc, ce que je dis, David, c'est que l'homme qui est intelligent, il peut aller partout. Il peut aller n'importe où, en autant qu'il assure la santé, l'équilibre de sa santé mentale tout le temps, même s'il est dans une position de maladie, son mental est plus grand que la maladie. Dans le gros, c'est peut-être ça le sujet de la conversation ce soir qu'on a. C'est Oui. que que l'homme ne doit jamais donner aucune autorité à personne. Exactement. Puis ultimement, est-ce qu'on pourrait dire que la personne qui reste avec le mental intact, puis est capable Oui, c'est ça. de mourir Puis, d'un cancer ou d'une crise cardiaque, à quelque part, il est au-delà de la forme? oui, c'est ça, parce que. Mais d'un autre côté, c'est très difficile d'être au-delà de la forme. Puis, je le ramène parce que l'individu, là, qui n'est pas capable de voir sa spiritualité, OK, va toujours être en dessous de la forme. Toujours, toujours, toujours, toujours. Puis, tu sais, si je t'ai fait la remontrance à plusieurs fois ce soir sur le niveau d'interception de ton mental par de la spiritualité, c'est pas en relation avec une diminution de ta réalité, parce que au niveau de ton esprit, tu es capable de dialoguer avec de grands éthers, mais si tu n'es pas capable, au niveau de ta santé mentale, okay, d'élever ton esprit et de laisser derrière la spiritualité, tu vas avoir un problème. Non, non, je comprends. Puis à quelque part, faut pas que je m'enlise dans l'amour des Jeux olympiques, puis de la veuve et de l'orphelin. Puis Ouais. d'un autre côté aussi, ce que je te dis, c'est que le jour que tu qu'une personne est capable de laisser la spiritualité derrière, elle fait un grand pas pour l'homme. Oui. Peux-tu élaborer un peu plus? Parce que si tu n'assumes pas la vibration de ne plus être dans les ficelles de la spiritualité dans ton dialogue, ça te demande d'abandonner quelque chose. Ben, c'est sûr qu'il y a un dépouillement, tu sais, pendant la période des Olympiques, pour se mettre en contexte par rapport aux gens qui vont écouter l'enregistrement dans plusieurs mois Mais ou années. as-tu de la misère aussi à laisser ceux qui sont près de toi derrière, au niveau vibratoire, et de savoir que tu peux rien pour eux autres? Je trouve ça difficile. Bon, ben, tu vois, je suis pas un con, hein? Je sais que c'est tout ça, la patente, avec ta spiritualité. C'est que l'homme. Tu veux que je te parle Oui, très impersonnel? vas-y. L'homme a énormément de difficultés à reconnaître un jour qu'il ne pourra plus traîner son passé. Et lorsque ce jour-là arrive, il va vouloir encore le nourrir. Pourquoi cela? Parce qu'il ne peut pas envisager que la seule manière d'être immortel en conscience, c'est de ne jamais mourir. Mais il peut, dans sa capacité vibratoire avec sa lumière, transcender la réalité qu'il a été une âme par le simple fait que l'esprit ne meurt pas, mais que sa conscience doit et ne peut pas rester accroché à la réalité qu'il est mortel, parce que cela fait de lui un être insuffisant. C'est intéressant. Ben, c'est si une personne au niveau de l'entretien des liens familiaux qu'elle ne doit plus entretenir, sa santé mentale est-elle diminuée d'une certaine manière? Oui. Oui. Si elle n'a pas fait le deuil avec le passé d'une mortalité ou de quelque chose qu'elle a vécu, puis elle n'est pas capable d'en faire le deuil, est-ce que sa santé mentale est diminuée? C'est sûr que oui. Oui. Donc, je reviens toujours au fait que la santé mentale, c'est le plus grand équilibre que l'homme peut avoir. Mais ça demande beaucoup de contenir de vide parce que si on délaisse les gens qui sont astralisés, puis les gens qui ont des mémoires lourdes, il nous reste presque plus personne. C'est pas nécessairement de délaisser non plus, parce que C'est de s'augmenter en vibration avant de pouvoir faire le passage vers autre chose. Comme si tu peux pas être lumière à 100% si tu es à 20%, il faut que tu montes un peu à 80%. Donc, en gros, une personne regarde ses liens familiaux, puis elle commence simplement à reconnaître que dans ces liens familiaux-là, il y a de l'émotivité. Donc, elle brûle l'émotivité qu'elle a dans les liens familiaux, mais elle peut continuer de transiger quand même dans ces liens familiaux-là en étant un peu plus froid, mais toujours en gardant en œil, dans son cortex mental, la réalité que faut pas qu'elle les débalance trop vite. OK? Puis si elle peut simplement s'en libérer en étant vraiment, vraiment consciente de qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle doit dire, elle va vraiment atténuer le passage de sa conscience vers son immortalité. Comme si tu me demandais à moi, le jour que j'ai su que je n'aurais plus de relation avec des frères dans ma famille, je leur ai annoncé ça. C'est sûr qu'il y en a deux, il y en a un qui pleurait, puis que l'autre, il essayait de se consoler. Mais moi, je leur ai dit, je comprends ce que vous vivez. C'est très difficile à absorber de savoir qu'un jour, vous ne pourrez plus me voir. Mais aujourd'hui, tu me demanderais, puis le jour que c'est arrivé, je savais très bien que c'était la dernière fois que je les voyais. Puis, si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que j'ai encore de l'amour pour ces individus-là au niveau de la conscience qu'ils ont eue de s'avoir incarné à l'intérieur de ma famille, ou de les avoir connus en tant que frères, ça demeure toujours. Ça demeure toujours intact que les relations que j'ai eues avec des âmes dans l'intérieur d'une famille étaient tout simplement là pour permettre le développement de ma propre expérience en tant qu'âme. Okay? C'est sûr que si j'avais été violenté par un de mes frères, ou vraiment physiquement, ou battu, ça aurait été plus difficile de créer cette compréhension-là de l'harmonie que je peux avoir en lien avec le fait de ne plus connaître mes frères. Parce que je les connais, mais j'ai aucun besoin de nourrir dans ma conscience le fait que j'ai été une âme. Eux autres ont besoin de cela, nourrir le fait qu'ils ont un lien avec moi, mais ils ont un lien avec l'âme, mais avec l'esprit que j'ai, ils n'ont aucun. Et un jour, l'homme doit être capable de se libérer lui-même du fait que tous ceux qui veulent le garder dans une conscience qui permet à leur âme de vibrer à de la spiritualité, lui, ça va le faire souffrir un jour. Et ce jour-là vient toujours quand l'homme n'est plus capable de rencontrer ses faiblesses dans un feu absolu pour les faire sauter. Et c'est là qu'à un moment donné, il se met en tabarnak parce qu'il n'est plus capable de vivre l'astralité de la planète. Puis quand je te parle d'astralité de la planète, là, si tu veux continuer à vivre sur cette planète-là en tant qu'être conscient, c'est certain que le regard que tu dois avoir sur tout ce que la société fait, ça doit être un regard absolument intelligent et non brillant de jugement ou non déplacé en lien avec le fait que oh, ben, la société est dans une période transitoire. La société n'est pas dans une période transitoire, elle est aux portes du désenclenchement total de sa propre lumière en lien avec le fait que la noirceur pénètre toutes les sphères d'activité et la seule réalité qui va pouvoir inverser ça, c'est la conscience. Oui, c'est sûr que je suis ouvert à tes propos, Marc, puis je te laisse parler depuis tantôt. Sauf que dans le concret, ça m'amène comme, ben, je comprends qu'il faut que je déloge les, il faut que je déloge l'astralité en moi, puis mes liens spirituels qui vont me niveler vers le bas, puis tôt ou tard j'aurai d'autres choix que m'en départir si je veux continuer d'avancer. Sauf que quand on regarde ça, il y a au-dessus de 99,9% des gens qui sont astralisés. Fait que tu fais quoi? Tu sais, il n'y a plus grand personne avec lesquelles tu peux fraterniser ou tu sais. Et puis c'est ça la beauté de l'homme nouveau. Quand tu passes une journée, puis il y a quelqu'un qui est capable d'esprit, tu le remarques-tu dans ta journée? Oui, comme une perle rare. Bon. tu t'appelles. Fait que c'est rien que ça qui nourrit ta vie mentale à un moment donné. Un sourire fait par quelqu'un parce qu'elle a fait un geste quelconque. C'est rien que ça qui nourrit un jour la vie mentale de l'homme conscient. Sa santé mentale passe toute par là. Parce que tu ne me feras pas dire à une personne comme moi consciente que plus on est conscient, plus il y a du monde autour de soi. C'est le contraire. Plus on est sien, plus on est conscient, moins il y a de monde autour de soi. Mais que l'homme conscient a déjà énormément d'intelligence, de volonté et d'amour pour l'homme, qu'il sait toujours reconnaître la note de l'esprit dans l'autre. Exact, l'intelligence qui reconnaît l'intelligence en l'autre. Ça fait que, tu sais, David, faut pas que tu t'inquiètes de pas avoir de monde autour de toi. Parce que si les plans de la lumière ont décidé que ta santé mentale ou l'équilibre de l'harmonisation de tous tes corps passe par la capacité d'allumer ton feu, tu vas-tu t'éteindre, tu penses? Non, je vais m'amuser, mais c'est sûr qu'en vivant de la solitude, si je me réfléchis moindrement, je vais me sentir anormal, je vais dire, ben là, je suis pas comme les autres de mon âge, tu comprends? Ouais, mais c'est ça, de la réflexion. Mais essaie de me dire, du point de vue de ta lumière, pourquoi on a un tel discours aujourd'hui? Ben, ce qui me vient en tête, c'est que, ben, je vais parler par rapport à ma personne, c'est que j'avais Ben quelque oui, chose à. Moi. dis au double qui te parle par rapport à toi, parce que moi, ça m'appartient pas. Vas-y. OK. On t'écoute. Tout le monde qui est là, là, t'écoute. Les peu qui vont écouter, c'est d'autres affaires, mais bon. Les feux qui vont écouter, c'est bon, ça. Ouais, les feux de l'esprit, mais bon. Ce qui me vient en tête, c'est Vas-y. que j'ai à me libérer d'une forme de spiritualité que je traîne depuis des années, puis arrêter de me réfléchir, puis arrêter d'idéaliser les Jeux Olympiques aussi, là. Le double, il dit quoi, là? Parle-moi en Ouais. façon impersonnelle. Va pas dans le G, là. Parce que je vais te donner de l'information après ça, mais va pas dans le G. Dans le quoi? Le double te dit, Oui. je vais vous poser la question, qu'est-ce que dit votre double en lien avec votre spiritualité? Ma spirituelle, ben le, je vais enlever mon jeu. La La spiritualité, c'est ça. spiritualité devra être dépassée parce que c'est un frein présentement, là. À quel endroit elle mine le plus votre vie sans que vous le sachiez? Dans les rapports avec la famille. Avec la famille. Et pourquoi les rapports avec la famille doivent-elles regarder au niveau de l'esprit? Elles disent, est-ce qu'ils sont d'accord en disant que vous allez les brûler beaucoup plus rapidement si vous savez ce que vous faites et non ce que vous pensez faire? Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous, là, maintenant, vous devriez savoir ce que vous faites, parce que vous savez déjà que le regard spirituel que vous avez sur la vie est en lien avec la grande programmation de votre âme, avec d'autres belles âmes. Oui, ben ce que je vais faire, c'est que je prends une distance par rapport à tous les rapports toxiques que j'ai eus avec plusieurs personnes de ma famille, puis C'est ouais, ça. c'est un processus de distanciation. Donc, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Quand on parle de distanciation, on ne veut pas dire mettre fin du jour au lendemain. Non, c'est ça, il y a un respect par rapport aux Et autres. voilà, et voilà. Alors que moi, c'était du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que moi, ce ne sont pas des personnes âgées que je composais avec. Tu sais, c'était pas mes parents, c'était des frères. OK? Par contre, j'ai dû, à un moment donné, dans ma vie, mettre un arrêt complet avec l'une des sœurs de ma mère, avec lesquelles, après que ma mère soit décédée, elle a toujours entretenu un lien avec nous autres, comme si elle remplaçait ma mère. Puis moi, je l'ai toujours beaucoup respectée. Puis un jour, je lui ai dit, ah, ça, c'est probablement aujourd'hui la dernière fois qu'on se voit. Elle dit, bah, non, on va se revoir. Je dis, bah, ouais, ça se peut. Mais j'ai coupé complètement, complètement, complètement. Pourquoi que je l'ai fait? OK? Tu vas me dire, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait sur deux plans. Explique-moi ça que si toi, au niveau de ta santé mentale, tu décides de te distancer avec ta famille, mais toujours les respecter et de prendre position. Tu le fais aussi sur deux plans. Explique-moi ça. Ben, Autant pour toi que pour eux autres. Oui, exact. Dans le sens que, au niveau de l'âme, c'est que les liens d'âme, je les dissous avec le temps, là. Ouais. Donc, les autres, ils sont libérés dans une prochaine vie de ta conscience. Exact. Une libération karmique. Et voilà. Et c'est incroyable, tu sais, que ce qu'on peut parler au niveau de la santé mentale, hein, quand on est capable de se garder en équilibre dans notre mental, quand on aborde des sujets très, très, très occultes. C'est sûr qu'on n'a pas à croire ce que l'on dit, on le sait tous les deux, ça. Par contre, tu sais très bien que ce que tu dis en lien avec la distanciation, tu vas en souffrir beaucoup moins dans les mouvements ultérieurs que tu vas faire que présentement, parce que tu n'avais pas la capacité de savoir exactement ce que tu devais faire. Exactement. C'est sûr qu'il y a une clarté qui s'installe à mesure que le dialogue court. C'est ça, le discernement se met en place, l'intelligence que tu dois avoir au niveau du feu pour créer. Parce que quand une personne n'a pas de feu pour créer une brèche dans l'astral, qu'est-ce qui se passe? Ben, il reste soumis à l'astral. Puis être attaqué davantage, hein? Exactement. Puis l'astral peut l'astraliser, prendre contrôle sur lui, puis c'est comme un nuage qui assombrit l'individu progressivement. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'une personne qui a besoin d'aller aux Jeux olympiques a besoin de s'astraliser. Tant mieux pour elle. Moi, je peux écouter les Jeux olympiques. Puis la seule façon qui m'intéressait quand j'écoutais les Jeux olympiques, c'était de voir quel genre d'ego il y avait dans la personne. Puis il y en avait toutes les sortes, hein, des égos. Hein, parce que, en gros, c'était ça qui était intéressant. Parce que, puis aussi, les âmes vibraient beaucoup à leur programmation, tu sais, comme tu prends le jeune Michael Kingsbury, lui, il avait écrit « Je vais gagner », hein, une médaille d'or olympique, il était depuis 7-8 ans. Puis là, quand il a gagné, son frère est allé à la maison, puis il a changé « Je vais gagner »,« J'ai gagné », ils ont écrit « J'ai gagné ». Tu sais, c'est une affaire d'âme, ça. Quelqu'un qui regarde ça, il peut pleurer parce qu'il dit « C'est quand même beau, des âmes ». Ça veut aspirer à des grandes... Mais tu sais, c'est pas sa médaille olympique à M. Michael Kingsbury qui va faire qu'il est quelqu'un, là. Non, parce que ça le définit pas sur le plan vibratoire. C'est ça. Puis sa médaille olympique, dans 2-3 ans, elle va avoir encore une valeur parce que la société risque encore de pouvoir nourrir ça. Mais le jour que la Terre, tu sais, ou que ta famille est exposée au fait que la lumière doit descendre sur la Terre et que la déconstruction totale de cette société doit être si avancée que même ta famille ne pourra pas le supporter. Tu vas-tu être content, toi, de pouvoir le supporter tout seul, ce que tu sais? Oui. Puis que tu vas-tu être content à quelque part où tu vas-tu être en harmonie vibratoire de savoir que ceux qui ne peuvent pas le comporter, ce grand bousculement-là, il n'y a aucun lien émotif avec toi dans ta conscience? Exactement, parce qu'il n'y aura pas d'entrée astrale pour me déstabiliser à ce moment-là. Bon, est-ce que c'est ça le but de la déspiritualisation d'un âme conscient comme toi? Certainement. Bon, c'était le même processus pour moi. C'est le même processus, mais n'a pas la santé mentale qui veut dans ça pour le confronter avec froideur, parce que l'âme, c'est chaud, le mental est chaud au niveau de la famille, au niveau des liens avec l'âme. Mais tu sais, la santé mentale qu'on va connaître demain, là, c'est tout en lien avec la progression de la noirceur sur la psyché de l'individu en réel. Puis tous ceux qui sont spirituels, là, ils ne seront même pas à l'abri de cela. Ben non, ils vont se faire attaquer par les entrées astrales. C'est ça. Fait que tous ceux qui pensaient qu'ils étaient ils vont être protégés par des hautes entités du monde de la mort, en lien avec... j'ai des petites nouvelles pour eux autres, hein? Donc, je ne sais pas de quoi tu veux parler, là, mais je pense qu'on va... C'est ça, mais je voulais quand même, en lien avec la santé, ne pas passer à côté d'aborder avec toi sur la potentialité d'auto-guérison de l'homme nouveau. C'est un sujet qui est très intéressant parce que tous les discours que j'ai avec la lumière en lien avec l'auto-guérison, ils m'ont toujours dit, moi, à ma conscience, que c'est des lois d'énergie. Hein? Okay. C'est pas vraiment de l'auto-guérison parce que c'est des lois d'énergie. Donc, si tu as accès aux lois d'énergie, t'as-tu une auto-guérison, tu penses? Ben oui. Ben, tu vois pas ça comme une auto-guérison non plus, hein? Tu comprends-tu que le mot auto, il est problématique pour eux autres? Parce que ça serait comme un mouvement d'ego que c'est Ce lui. serait encore un Ouais. mouvement de l'ego. Ce OK. serait ça la réponse. Donc, il y a encore des traces d'orgueil là-dedans. Tu vois-tu la spiritualité derrière ça, toi? Oui, parce que c'est une volonté de l'ego pour dire je suis en puissance, c'est moi, par ma volonté, je me suis auto-guéri. Tu vois que le feu, là, quand que tu es dans le feu, t'es-tu dans les lois du feu ou t'es dans les lois d'un petit feu? Ben, si c'est un gros feu, t'es dans la loi du feu, c'est sûr. T'es dans les lois du feu. Il est Oui, pas petit, il est pas gros. Le feu, c'est le feu, hein? oui. Oui, mais moi, ce Donc, que... Oui. quand t'as les lois de l'esprit puis les lois d'énergie, si t'es dans les lois d'énergie, de l'intelligence, ils te pénètrent automatiquement. T'es habité par ça. Fait que, automatiquement, toi, ton corps physique, ton corps mental, tu vas t'en aller par là. Fait que t'as pas besoin de te dire, ben là, je me réfléchis, puis je laisse rentrer l'énergie, là, puis je m'auto-guéris, tu sais. Ça marchera pas comme ça. Nous autres, on pense que ça marche comme ça. Mais autrement dit, c'est qu'on va vivre une habitation par la lumière qui va occasionner l'auto-guérison. Ben, ça va être tellement haut en vibration qu'il n'y a pas une cellule qui va résister à ça. Mais elle est comme ça. Mais d'ici... Une Oui. cellule cancéreuse dans un corps physique, c'est quoi dans le fond? C'est de la densité? Oui. Bon. Quand tu es un feu cosmique, tu sais, quand tu es malade, bien souvent, tu as une guérison. Ou quand tu enlèves des mémoires, as-tu moins de densité dans ton corps mémoriel, dans ton corps physique? Oui, ça éthérise. Donc, c'est ça. L'éthérisation, là, va tout passer par le feu. Fait que. Si une personne est en feu en lien avec sa maladie, en lien dans le sens que, tu sais, elle est en tabarnak d'avoir une jambe cassée, elle peut l'être sur le coup parce qu'elle s'est cassée une jambe, puis elle regarde le point de vue de l'esprit, c'est sûr que la jambe risque de guérir beaucoup plus rapidement que si elle conteste sans intelligence, tu sais. Mais d'un autre côté, c'est pas un absolu non plus que la jambe va se guérir davantage plus vite parce que quelque part, si, il y a du feu qui doit rentrer dans l'esprit en lien avec la déspiritualisation de l'ego, ben, ça peut durer longtemps. T'sais, nous autres, on s'imagine tout. La part des gens là, qui guérissent ou qui veulent guérir, ils s'imaginent tous qu'ils sont déspiritualisés. Ouais, c'est ça, ils pensent qu'on passait l'initiation. Ça fait que, tu sais, moi, on va dire, David, la seule chose que je suis certain pour moi, pour ma conscience, c'est que. Tant que je ne peux pas altérer les lois de la matière en lien avec, je sais pas, moi, traverser un mur en tant que corps physique, je suis dans ma conscience très, très, 100, à 100% certain que je ne connais pas les lois de la maladie. Je ne connais pas les lois d'énergie. Ouais, quoi qu'un mur, c'est très dense physiquement par rapport à une interaction avec l'aspect Ben cellulaire du corps. imagine dans 2500 ans, là, on va-tu pouvoir se téléporter à volonté? Certainement. Bon, si on ramène ça sur 300 ans, dans 300 ans, la densité du corps matériel va être beaucoup moins grande. On pourra peut-être pas se téléporter, mais est-ce que le corps physique va avoir perdu énormément de densité? Oui. Mais est-ce qu'il va être morentiel? Il va être en morationalisation en processus. Parce que morentialité veut dire immortel. Exact. Donc, avant d'être immortel, puis de penser pouvoir se guérir, je fais attention dans la notion de s'auto-guérir. Mais il existe l'effet placebo. Oui, parce que, en gros, là, une personne qui est psychologiquement malade, là, a besoin d'un effet, comme tu dis, rassurant au niveau pour enlever les pensées négatives, puis pour tasser l'astral en elle. Fait qu'on utilise un mécanisme psychologique qui est le placebo pour lui faire croire que finalement tout va bien. Et ça fait que son énergie change. Il y a plus de cellules en lien avec la lumière qui se mettent en vibration que qu'il y en a qui s'en mettent en densification au niveau de ses insécurités en tant qu'âme. Plus une âme est insécure, plus elle se densifie. dans ses corps. Donc, elle s'astralise. Elle s'astralise, elle est plus sujette à la maladie. Plus une personne est esprit, mais elle peut savoir, l'esprit, que la spiritualité au niveau de la maladie est très grande. Par exemple, comme tout ce que j'ai étudié avec toi ce soir, c'est tout en lien avec la spiritualité qui doit être dépassée avant que l'homme arrive à un feu absolu. Parce que quand il est dans le feu absolu, il peut savoir de quoi il parle, puis il va être dans le discernement, l'intelligence de. Il dira pas, par exemple, oh ben, moi je peux me guérir si je veux. Oh Christ. Il va plutôt dire, j'ai le potentiel de me mettre en feu contre ce que j'ai et je vais voir quel en sera le résultat. Oui, c'est ça, il n'y aura pas l'orgueil de dire, moi, je suis au-dessus de la maladie, là. Ouais, parce que moi, j'ai bien de la difficulté avec tout le processus qui est sur la planète Terre en lien avec la spiritualité de l'ego qui a monté en vibration puis est capable maintenant d'amener sur la planète Terre de l'intelligence dans toutes les formes. Je suis pas sûr. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup de doutes. Par contre, le point, c'est que l'effet placebo, parce qu'il y a quand même des recherches scientifiques, il y en a eu plusieurs au fil des ans qui démontrent que ça marche. Donc ça Ouais, peut avoir une. au niveau de l'esprit, ça ne marchera pas, ça, là. Demande à ton esprit, là, si on fait un petit placebo avec toi, penses-tu que ça va marcher? Parce qu'est-ce qu'ils disent? Ben, Ils... au niveau de l'esprit, non, mais au niveau de l'âme, ça apporte un soulagement. C'est ça. Mais au niveau de l'esprit, là, ils vont dire, ton placebo, là, parle, photo dans le cul, parle avec nous autres, ça va être pas mal plus intelligent que penser placebo. Exact, mais pour les gens qui n'ont pas accès à de l'esprit, l'effet placebo peut leur apporter un soulagement. Ouais, c'est ça. Mais les gens qui mangent tout de la marde, s'ils sont pas capables d'un jour d'aller dans de l'esprit, ils vont. Tu sais, la planète Terre, là, dans les années à venir, là, je suis tanné de parler aux morts. Tu comprends-tu, David, ce que je te dis? Je suis tanné de parler aux morts. Oui, mais Tu il y a me tellement. ramènes tout le temps à parler Oui, aux je gens. comprends. Les gens, ils sont morts. On parle de conscience, si. Tu sais. La spiritualité, là, c'est toujours de vouloir parler au monde pour qu'ils comprennent. Ils n'ont pas à comprendre la vibration. Parle-moi, dis-moi, c'est quoi une crise de vibration pour une fois, tabarnak? Sais-tu ce que c'est? Ben, c'est une énergie de nature impersonnelle qui provient du plan mental. Ouais, mais pourquoi tu n'es pas capable d'être dans la vibration du verbe au lieu de tout le temps parler pour le monde, hostie? OK, c'est parce que j'ai un désir spirituel par rapport à mes enregistrements d'être capable de rejoindre des gens. Ben oui, puis t'en rejoins-tu plus? Non. Ouais, OK, je suis capable de reconnaître que quelque part, c'est pas intelligent parce que ça n'a pas l'effet escompté, puis j'en fais pas des ventes ben tellement. oui, puis Chris, tu me casses les pieds avec en parlant comme ça. Depuis le début, là, je suis gentil, là, moi, je suis un être gentil. Donc, tu es spirituel. Non, je suis un être gentil. Je suis pas un être spirituel. Non, mais je fais des farces, là, dans le sens Ouais. que. Mais c'est différent, par contre. C'est intéressant quand même ce que tu dis là. Je suis un être spirituel. Non, je suis un être gentil. Moi, là, si je parle un sujet avec toi, puis t'es pas capable à un moment donné de regarder dans les mêmes yeux que moi, là, je dis, Christ, je suis tanné de parler avec lui. Ça m'intéresse plus. Puis, comme j'ai toujours su qu'à un moment donné, tu me casserais plus jamais les pieds. Mais. J'ai hâte que ça vienne à un moment donné, mais en gros, je comprends que ça vient pas, puis que moi, j'ai beaucoup de respect parce que je suis gentil, dans le sens que quand je dis je suis gentil, je te demande pas à être ce que tu n'es pas, David. Je respecte ce que tu es, mais tu ne peux pas me demander à taire ce que je sais et ce que je vois. Puis je pense que tu m'en voudrais de toujours te flatter. Non, c'est ça, je cherche pas de complaisance de ta part. Non. Puis la façon dont je le fais, à quelque part, ce n'est pas pour te mettre en boîte, mais c'est pour, à quelque part, illustrer à quel point la Terre, l'homme, la conscience a besoin de parler et que l'homme qui peut parler puisse amener son verbe en société et que ce verbe soit suffisamment haut en lumière pour ne pas être attaqué par aucune forme astrale. Et si toi, tu es mandaté pour être amené à le faire, tu vas le savoir très, très rapidement dans ta vie parce que si tu n'es pas mandaté à ça, tu vas plafonner un jour dans le sens que tu ne seras pas capable d'aller là. La folie va être trop grande. Tu vas dire, OK, là, je prends un break de la conscience. Là. Ça me fait trop peur de qu'est-ce que je peux devenir. Tu comprends? Oui, je serais pas capable de supporter une lumière liée à une vibration que je serais incapable de contenir. C'est ça. Fait qu'à quelque part, si la vibration de parler de la maladie peut avoir amené une compréhension absolue de qu'est-ce que c'est de la spiritualité, ce soir, ça aurait été un bon travail. Oui, exactement. C'est sûr que Marc, depuis le début, moi, dans les interventions que je fais avec toi, je suis capable de reconnaître qu'il y a de la spiritualité. Je veux dire, j'ai une ouverture à une autocritique et ça, je voulais te Ouais, le si tu n'en mentionner. avais pas, je pense qu'il y aurait longtemps que on serait plus capable de parler parce que quelque part, je serais obligé de me mettre en colère. Puis le fait de me mettre en colère, tu sais, comme quand je dis je suis gentil, c'est une des choses que j'ai compris, David, avec le monde. C'est à nous d'amender la relation et non à celui qui ne peut pas l'amender de l'amender. Et je te dis la même chose pour la famille. Oui, non, je comprends le principe, là. C'est l'homme par lui-même qui va s'émanciper de la spiritualité. C'est pas les autres qui vont le faire à sa place. Non, puis quand tu as compris ça, tu te dis, ah, oh Christ, ça veut dire je pensais pas que j'avais à faire ça, mais je suis obligé de le faire, tu sais. Comme moi, je suis obligé de te dire ce que je dis, tu sais. Tu peux pas dire, ben là, il est en crise contre moi ou quoi que ce soit, là. Une personne qui peut écouter ça, il va dire, ben, pourquoi qu'il se met en crise contre David? Il peut peut-être pas voir ce que je dis. Mais toi, vu que tu es capable de dire, non, non, je vois ce que tu dis, puis c'est pas contre moi que je le fais, ça va l'équilibrer à un moment donné. La personne va dire, Chris, il est capable d'en prendre. Mais tu sais, comment que la personne va savoir que je te manipule pas? Dis-moi les noms. Ben, il faut qu'elle ait la sensibilité de le percevoir dans la vibration. Mais toi, tu te sens-tu manipulé? Non, c'est sûr que tu m'amènes à des zones, des angles morts par rapport à ma spiritualité que je voyais pas. Puis il n'y a pas d'autres personnes dans mon environnement qui ont le taux vibratoire ou la capacité de le faire. Fait que c'est Ben, sûr. t'en bénéficies, t'en Oui, bénéficies. oui. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est toujours plate, tu sais, de vivre ça. Mais, tu sais, si on a travaillé ensemble, là, moi, dans une conférence, un exercice comme ça, là, faire une entre... Tu viendras à une conférence, puis tu ferais le même genre d'entrevue comme on fait là, ça m'intéresserait pas, d'une conférence. Je trouve que tu es obligé de m'éteindre en tant que feu. Parce que, dans une conférence, le feu doit être absolu parce que l'astral est beaucoup plus grand que quand on est assis dans son salon puis on fait une entrevue Skype avec une personne. Tu comprends? Oui, exactement. Fait que, Donc, tu sais, si un jour tu as à être public, c'est certain que ta vibration va devoir dépasser ta propre spiritualité parce que tu pourras. Puis ça, je dis ça à tout le monde qui ont un certain degré de spiritualité, de le regarder de très près parce que. Elle est toujours chevauchée, cette spiritualité-là, par un angle mort, comme tu as dit tantôt. Puis l'angle mort, c'est quoi? C'est l'impression que ce qui nous empêche d'être libre est plus grand que soi. ouais. Donc, ça revient à un principe de manque de volonté ou de donner une assise à quelque chose extérieur à soi sur sa conscience. Ça éteint ton feu. Tu sais, la famille, là, ça sera jamais plus grand que l'homme cosmique en feu. Les Jeux Olympiques, la bêtise de la planète Terre, Donald Trump avec Vladimir Poutine au niveau du nucléaire, ça sera jamais plus grand que le feu de la lumière sur la Terre en lien avec l'esprit. Et même chose pour le clonage. Ouais, le clonage, c'est un feu amené par l'homme pour la volonté de faire reculer la noirceur. Tu comprends-tu ce principe-là? Oui, si c'est utilisé intelligemment plutôt que Ben, des c'est ça, dictateurs je comme te dis, Adolf c'est un homme. Hitler. C'est ça, c'est ça. Moi, là, mettons, là, dans 20, 50, 50 ans, quand ils vont avancer le clonage, là, c'est certain qu'il va y avoir des êtres d'esprit qui vont être derrière les scientifiques, qui vont leur dire, non, non, non, ça, faites attention à ça. Ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. Allez pas là. Fait qu'ils vont être très surveillés. C'est ça que je dis depuis le début. L'homme va pénétrer les gouvernements dans sa conscience, puis il va être. Dans 50, 60 ans, le nouvel ordre mondial ne s'assoira pas sur de l'astralité, là, Chris. Il va être surveillé par très près par les êtres de lumière. Ceux qui vont avoir un feu aussi de voir. Fait que, tu sais, en gros, on peut peut-être finir la rencontre là-dessus, à moins que tu voulais regarder d'autres choses. Par rapport à la maladie, j'étais curieux de savoir pour toi quel regard que tu jettes sur, par exemple, les épidémies. À un moment donné, on parlait de la menace de la grippe H1N1. Oui. Ouais, toutes les épidémies puis tous les problèmes avec l'environnement au niveau au niveau des La catastrophes pollution, oui. environnementales, c'est certain que il y a trop d'âmes sur la planète Terre pour amener la conscientisation et pour que la lumière prenne place. Il y a trop de densité, donc il faut qu'il y ait une dédensification et cela peut servir à cela. Tu comprends? Oui, ça va éliminer un paquet d'âmes sur la Terre. Mais d'un autre côté, la régence planétaire va vouloir assurer que ces âmes-là peuvent aller se reposer sur un autre plan, puis qu'ils peuvent se réincarner sur d'autres habitats, autres que la Terre, sinon la Terre ne pourra jamais connaître son jour de lumière qu'elle est supposée connaître. Exact. C'est sûr qu'idéalement, puis ça, tu vas me dire, j'ai encore un mouvement d'âme, mais c'est qu'il faut qu'il faudrait que ça se fasse dans le respect de la sensibilité des individus plutôt que d'une manière brutale. Bon, regarde. Tu pars encore du principe qu'il faut que ça se fasse dans le respect des individus, de la sensibilité. Quand tu parles de l'esprit, là, c'est-tu imbriqué déjà dans ça? Oui. Bon. Fait que tu pars toujours du principe de l'âme, t'as-tu vu? Oui, mais je vais Arrête. dévoiler ma couleur. Arrête, ce tabarnak, de parler de l'âme. Quand est-ce que tu vas arrêter de mourir à toutes les fois que tu parles? Arrête de parler de l'âme. Ça donne rien de parler de l'âme. Tu es un être d'esprit qui doit amener l'homme à connaître sa lumière. Fait qu'arrête de parler pour les âmes. Les âmes qui sont mises en vibration par l'esprit vont le savoir. Ça, c'est parfait, ça. Ça, pas de problème avec ça. Oui, Regarde ça. je Regarde ça vais parce prendre le que. temps de l'étudier. Oui, parce que au niveau de ta conscience, là. À toutes les fois que tu n'es pas capable d'assumer toute ta lumière, tu n'es pas nécessairement non plus apte à dévoiler ce qui veut te chevaucher. Et plus tu augmentes ta lumière, plus tu vois qui veut te chevaucher. Et c'est ça la santé de l'esprit, la santé, parce que la santé mentale, c'est ne jamais voir ce qui nous chevauche. Puis quand on ne voit pas qu'est-ce qui nous chevauche, ben l'entité prend possession de notre mental. Puis les pensées qu'on a, ben c'est sûr, nous amènent à nous suicider, si c'est une entité suicidaire. Mais en général, ça peut être une entité qui dit « Ah, prends de l'alcool, c'est bon pour toi. » Puis quand que t'es vraiment dans l'alcool, là, elle rentre, puis elle suce toute ton énergie. Puis là, il y a d'autres entités de la noirceur qui peuvent se greffer à ça. Puis la personne devient démoniaque, puis violente dans l'alcool. Puis là, elle crée plein de dégâts. Le gars, il frappe sa femme, bat ses enfants. Là, l'astral est content, la noirceur est contente. Exact, parce qu'il y a un enlisement dans la folie. C'est ça. Puis c'est toujours le même mouvement, hein? C'est que l'homme perde son mental pour qu'il s'enligne. Tu sais, il meurt un petit peu. À toutes les fois que tu meurs, tu te rapproches de la folie. Puis tu te fais astraliser, puis tu te densifies dans l'égrégore C'est d'énergie. ça. C'est ça. C'est pour ça que la maladie, quand tu es malade, c'est important de la regarder au point de vue de l'équilibre de ton mental, si ton mental est intact. Parce que quand ton mental est intact, tu te détensifies pas. Dans la maladie, tu te désidentifies. Tu t'enlèves de la densification. Tu t'éthérises. Ouais, c'est ça, c'est le mot. Bon, c'est ça. Bravo. Tu vois, tu es sorti de l'âme. Comment ça? C'est peut-être ta parole qui m'a aidé, mais l'un des défis pour l'indi. Donne-toi comme volonté d'être dans l'esprit tout le temps, OK. David. Donne-toi là comme mandat de respect pour ta conscience, tu sais, parce que si tu le fais pas, oublie ça. Il n'y a jamais personne qui va traverser le désert pour toi. Puis, tu es possiblement dans ce mouvement-là de traverser ton propre désert. Quand on parle désert, on sait très bien que c'est de la solitude, mais on sait très bien que c'est des grandes décisions aussi parce qu'il n'y a pas d'oasis pour se reposer. Ouais, donc du combat. Ouais, t'es en combat. Mais le combat, à un moment donné, il finit, puis là, tu te reposes. Comme moi, je me repose dans ma vie. OK? Bye. OK, bye.